Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 19 avril 2019. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Nous sommes vendredi, vous le savez, c'est le vendredi relax, c'est-à-dire, contrairement au reste de la semaine, pas de jingle. Voilà, c'est une émission d'un seul tenant, pas de rubrique, etc. On est comme ça, en mode détente, pour terminer la semaine, voilà, de manière, j'ai envie de dire, souple et veloutée. Voilà, j'ai pas mieux à dire ce matin. Surtout, ne loupez pas, ce sera vers la fin de l'émission. La question, the question, pour gagner l'ascension de The Witcher, un nouveau roi du RPG, un livre édité chez Third Edition et signé par Exerve. Oui, vous pouvez gagner ce livre, le recevoir chez vous avec un petit mot doux. Et pour cela, il va falloir répondre à la question tout à l'heure et me répondre en DM, hein, en message privé sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé. Pas besoin de RT, pas besoin de follow, les DM sont ouverts, vous faites comme vous voulez, le client est roi. Bref, qu'est-ce que j'ai retenu pour cette fin de semaine? Eh bien tout d'abord, joie, oh joie céleste, nous avons pris connaissance d'autres titres qui vont équiper la Mega Drive Mini. Oui, la Mega Drive Mini, je le rappelle, qui est calée pour le 19 septembre, hein, de cette année bien sûr, au prix de 79,99€, mitonné par le studio M2 avec des menus qui seront drapés de musique spécialement composée par Yuzo Koshiro, hein, monsieur Street of Rage, avec les capacités sonores d'époque, hein, avec le chip Mega Drive, et ça va être absolument fantastique. Mais ce qui est aussi fantastique, c'est donc les nouveaux jeux, voilà, qui ont été annoncés. Vous savez qu'il y aura 40 jeux en tout, et que Sega, au fur et à mesure, communique sa liste. On avait déjà eu une première salve de titres, je ferai un récap après, hein, de tous les titres annoncés là, à l'heure actuelle. Mais joie, joie céleste, mes amis, puisque Castle of Illusion et World of Illusion, deux jeux absolument mythiques, en tout cas pour moi, ils le sont. Jeux mettant en scène Mickey Mouse dans le premier et Mickey Mouse toujours accompagné de Donald Duck dans le deuxième. Ils font partie de la trilogie magique Disney Sega Japan, hein, auquel il manque juste maintenant Quackshot. Peut-être qu'il sera annoncé là dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais c'est un événement puisque ce sont des jeux, donc des jeux de plateforme, hein, vraiment exceptionnels, magiques, féeriques, oniriques, j'ai envie de vous dire, avec un gameplay, un level design, une ambiance, mes aïeux, c'est du bonheur. Et ces jeux-là, bah, on ne les retrouvait pas dans les compiles Mega Drive puisqu'ils étaient licenciés Disney, et c'est une grande surprise de les retrouver là dans la Mega Drive Mini. Sega a dû faire son petit deal comme il faut avec Disney, et donc c'est absolument génial. Donc on va les retrouver, mais il y a aussi d'autres titres qui ont été annoncés, et donc parmi les nouveaux, nous aurons Thunder Force 3, alors le shoot de Technosoft qui a traumatisé tout le monde dans le bon sens du terme, hein, avec son ambiance de folie, sa BO d'enfer, bref. Super Fantasy Zone, Shinobi 3, excellent Shinobi, alors pas aussi bon dans mon cœur que Shadow Dancer, hein, version Mega Drive, je précise, qui est mon Shinobi préféré, j'espère qu'il fera partie de la fête. L'inévitable Street of Rage 2, magnifique, Earthworm Jim, Sonic 2. Alors, autre grande nouvelle, et là ça me met quasiment autant en joie que pour Castle et World of Illusion. Oui, j'étais dit Castle tout à l'heure, alors prononciation pourrie de gamin, je sais, mais à l'époque quand j'ai découvert le jeu, voilà, je vous raconte ma life, quand j'ai découvert le jeu, j'étais un jeune adolescent et donc je prononçais encore mal certains mots anglais, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais enfin je sais que Castle, voilà, ça se dit pas Castle, mais à l'époque je disais Castle of Illusion, voilà, comme je disais Rainbow Island aussi, bref, nous étions jeunes, nous étions foufous. Oui, donc grosse annonce de jeu qui me fait presque autant plaisir que les jeux avec Mickey, c'est Probotector. Alors Probotector, vous savez, c'est le nom occidental de Contra, sauf qu'il y a les robots à la place, mais c'est le Contra de la Mega Drive, Contra Hard Corps, qui est pour moi le jeu d'action bourrin, vraiment l'un des meilleurs de la console. Pour moi, je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle émission, pour moi il surpasse même Gunstar Heroes, hein, largement. C'est un Contra complètement dingo, et donc il y est. Et Landstalker, l'action RPG, vue 3D ISO, qu'on ne présente plus. Je rappelle donc les titres qui avaient été précédemment annoncés, donc le premier Sonic, bien sûr, Echo, le dauphin, Castlevania Bloodlines, excellent épisode encore, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, donc en fait c'est le Puyo Puyo, hein, version occidentale, Toei Jam and Earl, Comics Zone Altered Beast et Gunstar Heroes, justement, de Treasure. Donc ça nous fait un total de 20 jeux sur les 40 annoncés, et vraiment la sélection est absolument mirifique. C'est un bonheur, j'ai pas d'autre mot, c'est le bonheur. Voilà, je suis joie vraiment de pouvoir redécouvrir ces jeux que j'avais en cartouche, dont j'ai dû me séparer il y a quelques temps. J'y rejouais régulièrement en ému, je sais, c'est pas bien, mais voilà, quand on n'a pas d'autre choix. Là, je parle pour les jeux licenciés, hein, comme Mickey. Les autres, hein, dans les compiles Mega Drive, on les retrouve régulièrement. Donc c'est une très très grande nouvelle. Et justement, on va continuer à parler de Castlevania, puisque Castlevania Anniversary Collection se précise, puisque nous avons eu la liste des jeux qui seront dans cette compilation éditée par Konami, une compilation attendue pour le 16 mai prochain, donc ça arrive très très vite, hein, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc, on était déjà au courant, hein, que Castlevania 1, Castlevania 2, Belmont's Revenge, Castlevania 3, Dracula's Curse et le Super Castlevania 4, le mythique, donc étaient dans la compile. Maintenant, on a pris connaissance donc des 4 autres. Il y aura le Castlevania The New Generation, donc le Bloodlines, donc à nouveau l'épisode Mega Drive. Excellent épisode, trop peu connu, j'ai l'impression, mais qui est vraiment fantastique. Et une BO, mes amis. Une BO renversante. Nous avons aussi, et ça c'est une bonne surprise, Kid Dracula, cette parodie, hein, de Dracula, beaucoup Dracula Kun, voilà, avec un petit Dracula en SD, vraiment magnifique. Nous avons aussi Castlevania The Adventure, Castlevania 2 Simon's Quest. Il y a du Game Boy, il y a de la NES, de la Mega Drive, de la Super NES, bref, tout le monde est content. Là, j'avoue que quand on est fan de ces licences-là, il va falloir faire chauffer la carte bleue, là. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire, mais tout ceci, moi, me réjouit au plus haut point, même si c'est des jeux qu'on a possédés maintes et maintes fois à travers diverses versions. Moi, je suis toujours client, surtout quand c'est bien fait, quand c'est bien enrobé, avec les menus, toutes les options qu'on a maintenant qui vont bien, qui s'adaptent mieux à nos modes de vie, je dirais, d'adultes ou de jeunes adultes. Jeunes adultes, hein, je n'en fais plus partie, hein. On va dire adulte tout court pour moi. Voilà, c'était sous le signe du rétro, voilà, ce matin, la section news, vraiment, c'était sous le signe du rétro, voilà, j'ai pas d'autres mots. On va passer à notre concours, donc, je répète les règles de ce concours totalement impitoyable. Je vais vous poser la question là dans quelques secondes, et bah, il suffira de me répondre. Vous aurez le choix entre deux réponses, il suffira de me répondre. Donc, en message privé, sur le compte Twitter, @revuedepressejv, tout collé. Tirage au sort, avec un logiciel tout ce qu'il y a de plus sérieux. Screenshot, hein, qui fait foi lundi. Tout ça posté sur Twitter. Alors, lundi, c'est férié, j'avais complètement oublié, mais c'est pas grave. Hein, il y aura l'émission. Et donc, screenshot du tirage au sort. Et avant cela, le nom annoncé, avant toute chose, dans l'édition. Donc, de lundi matin, le nom du gagnant. Et voici donc la question. Pour gagner l'ascension de The Witcher aux éditions Third, voici la question. Quel est le style de jeu de la saga The Witcher? Réponse 1, du RPG occidental. Réponse 2, du Battle Royale avec des sorciers sexy et badass aux cheveux blancs. Vous me donnez la bonne réponse, c'est extrêmement compliqué, hein, comme vous pouvez le constater. Je pense que la plupart d'entre vous vont encore se jeter sur Wikipédia, bande de filous. Vous me donnez la réponse donc en DM, sur Twitter, je vous ferai un petit coucou, je prendrai acte de votre réponse, tirage au sort, je vous tiens au courant, le gagnant m'envoie son adresse postale toujours en DM, il recevra le bouquin X jours après, avec un petit mot, et voilà, la vie est belle, tout simplement. Avant de nous quitter complètement, j'aimerais remercier des tipeurs. Vous savez que l'émission a un Tipeee, hein, l'adresse est dans la description de... Voilà, du podcast, hein, de l'émission. Et donc, je voudrais remercier les tipeurs qui vraiment sont là, sont fidèles, alors qu'il y a des retards sur la prochaine revue de presse rétro. Et j'ai un emploi du temps plus que chargé en ce moment, et faire la revue de presse JV en plus de mon planning, je dirais, de ministre quasiment, c'est pas évident. Donc, merci vraiment encore à vous pour votre soutien, vraiment précieux pour l'émission. Merci à Francois, merci à Garant, Arc, Mopral, Laure, Hirotsumi, Gérald, Julian, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Gourigou, Pikachu, HL9, Nicolas, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Mike Vanifraise, X Nihili, Carnocte Melcoc, Laurent Luteria NASA sous la Cone Evolix, Forza Pedro, JP Madère, Fabien et Monsieur A. Merci à toutes et tous pour votre soutien si précieux. D'ailleurs, en parlant du Tipeee, vous savez que l'une des contreparties, c'est de participer à m'écouter à la grande revue de presse JV. Eh ben, le montage est quasiment terminé de la prochaine, donc avec des tipeurs à mes côtés, on va revenir sur plein de choses, mais essentiellement, le sujet central de cette édition, eh ben, c'est ce qu'on pense de l'annonce de Google avec Stadia et d'une manière plus générale du DMAT. L'émission devrait arriver normalement vers ce week-end, si tout se passe bien, je vous tiens au courant, puis n'hésitez pas de toute façon à surveiller le compte Twitter pour cela. Merci de m'avoir suivi cette semaine, on a encore fait des super scores, merci à vous. Numéro 3, hein, Top iTunes, podcast JV, là, ces derniers jours, c'était top. Merci encore à vous, et puis je vous souhaite un bon week-end, bon courage si vous bossez. Et on se retrouve donc très très vite, très certainement ce week-end, pour la grande revue de presse JV, et dès lundi, avec le nom du gagnant du concours, et surtout pour réattaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Portez-vous bien, gros béco, et à tantôt.